Bon, cette semaine, je vous avais parlé la semaine dernière que nous aurions une petite série, une brève série d'homélies sur l'audace. La semaine passée, on parlait de l'audace de la femme cananéenne, si vous vous souvenez, cette femme, donc insistante, qui demandait que sa fille soit délivrée de démons. Elle venait auprès de Jésus, Jésus était silencieux, ensuite il semble dire non, mais finalement, par son audace et sa persévérance dans la prière, elle a obtenu grâce en demandant les petites miettes de grâce que les Juifs, que les enfants de Dieu ne réclamaient pas. Aujourd'hui, on va méditer sur l'audace de Pierre et ensuite sur l'audace de Jésus. Donc Pierre a été amené par Jésus, donc ils se sont retirés dans la région un petit peu au nord de la terre sainte, de la terre d'Israël. Donc Jésus avait fait beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de prédications, beaucoup de guérisons, des délivrances de démons. Mais là, après s'être donné à fond pour la mission avec les foules, il prend ses disciples et il va un peu à l'écart au nord. Il se retire un peu, justement, pour permettre à ses disciples de décanter, d'une part, de se refaire, de se ressourcer, mais aussi de décanter tous les événements qu'ils viennent de vivre et même de les approfondir. Quand on se retire, quand on fait une retraite ou quand on prend un temps de recul, souvent, ça nous permet d'approfondir qu'est-ce qui s'est passé, de méditer sur les derniers événements. Et là, Jésus en profite pour faire un petit sondage. Jésus a fait beaucoup de signes, beaucoup de prédications, beaucoup de miracles. Et là, il dit, le Fils de l'homme, donc c'est l'expression que Jésus utilisait beaucoup pour parler de lui-même. Il utilisait peu l'expression de Messie, mais il utilisait beaucoup cette expression de le Fils de l'homme. Qui est-il d'après les hommes, d'après les gens? Il fait un sondage d'opinion. Donc les réponses sont de toutes sortes. Pour les uns, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie, qui devait revenir au temps du Messie. Pour d'autres encore, Jérémie. C'est un prophète ancien, Jérémie. Pour d'autres, prophètes. C'est des opinions. Et c'est flou et c'est vague, pas très précis, même un peu erroné. Ensuite, Jésus pose une question plus directe, plus compromettante pour les disciples. Pour vous. Donc pour toi, Pierre, Jacques, Jean, Thomas. Pour vous, qui suis-je? Et là, le texte nous dit, prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » On sent ici une solidité de Pierre qui nous sort de la nébuleuse des opinions qui vont à gauche et à droite de ce flou. Et on sent, qu'est-ce que fait Pierre? Il prend la parole. Il déclare, hein, le terme est affirmatif et fort, il déclare, il dit pas « tu es peut-être le Messie, tu es peut-être le Fils de Dieu, je pense qu'il me semble que tu fais des affaires intéressantes ». Non, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il y a une solidité dans l'affirmation de Pierre. Et Pierre, donc je parlais de l'audace, Pierre a l'audace aussi de prendre la parole et de confesser cette conviction profonde qui vient de s'installer en lui, de par la question de Jésus. Souvent, d'ailleurs, Dieu fait ça, hein, Dieu dialogue avec nous, et sa grâce nous travaille de l'intérieur. Et dans ce dialogue avec Dieu, s'affermit la conviction. Pierre, c'était sûrement flou au début dans sa tête, la première fois qu'il a rencontré Jésus, c'était qui? Mais petit à petit, à force de voir, à force d'être travaillé de l'intérieur, il arrive à cette confession de foi ferme et audacieuse. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui donne une clé. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, c'est pas de la chair et du sang qui t'a révélé tout cela. » Là, t'es pas juste en train de dire une opinion. Jésus est en train de lui dire une opinion d'homme. C'est mon Père dans les cieux qui t'a donné cette conviction de foi vraie, solide. Cette conviction te vient d'en haut. Mais mon Père qui est aux cieux. On va s'attarder sur la suite, ensuite sur la prophétie de Jésus à propos de Pierre. Mais arrêtons-nous juste sur cette différence entre l'opinion et la conviction. La foi, c'est pas juste une question d'opinion. On va pas loin avec des opinions. C'est bien, c'est intéressant. Il y a toujours dans le journal des colonnes d'opinion. C'est intéressant et c'est bien de la donner son opinion. Mais la foi, c'est pas une question d'opinion. C'est pas juste à cause que certains avaient l'opinion que Jésus c'était peut-être quelqu'un d'intéressant qui se sont mis à construire de magnifiques cathédrales au Moyen Âge. Des cathédrales construites sur des décennies, parfois même sur un siècle, avec une finesse de beauté, de détail, de grandeur. C'est qu'ils étaient animés d'une conviction profonde que Dieu existe. Dieu est beau. Dieu est grand. Il vaut la peine que je fasse ce temple. Et si on prend juste notre histoire à nous, Marie de l'Incarnation, Saint Jean de Brébeuf, Saint Charles Garnier, ce qui les a fait traverser l'océan, c'est pas juste une opinion. C'est pas juste l'opinion que Jésus, peut-être, est un bon gars, puis on aimerait ça parler de ce bon gars qui a peut-être existé, qui a peut-être fait des bonnes choses. Puis... Non. Ils étaient convaincus. Jésus a donné sa vie pour moi. Et il l'a donné aussi pour eux. Et même pour ceux qui ne le connaissent pas en Amérique. Et plusieurs peinent et se frappent le nez, ratent la cible de l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce chemin, cette vérité, cette vie que nous propose Jésus pour nous éclairer, pour nous préserver de nombreuses blessures. Donc, Jésus, aujourd'hui, par l'exemple de Pierre, nous invite à passer de l'opinion à la conviction. Un chrétien contagieux est un chrétien qui est convaincu. Mais pour avoir cette conviction, encore une fois, oui, on a une raison et on réfléchit, et c'est bien, Dieu a créé notre intelligence. Il veut qu'on s'en serve. Mais il faut aussi prier. Parce que Saint Paul nous dit, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est sous la motion de l'Esprit-Saint. » L'Esprit-Saint est celui qui nous illumine de l'intérieur pour, lorsqu'on est tout chambranlant, tout plein de doutes encore, tout plein de flou à l'intérieur, qui nous donne, qui tasse les nuages, il souffle sur les nuages pour amener un rayon de soleil pour qu'on puisse voir la réalité telle qu'elle est et pleine de cette présence aimante de Jésus. En l'Esprit-Saint, celui qui est envoyé par le Père aussi, qui nous dévoile la vraie identité de Jésus. Mais comme Pierre, encore une fois, il faut d'une part avoir l'audace de la conviction de la foi, mais aussi l'audace de la confession de notre conviction. Parce que des fois, on est très convaincu de quelque chose intérieurement, très, très, très convaincu. Mais si à la job, ou si au travail, ou si entre amis, on en vient à parler de ce sujet-là, oups, là, je suis silencieux. J'entre dans un mutisme. Même si je suis convaincu que Jésus, j'ai vraiment raison de le prier, puis je sais qu'il nous aide, mais là, en parler ouvertement devant d'autres, oh, je vais perdre la face. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rire de moi. Eh bien, il faut demander aussi à Dieu cette audace-là. Pierre, il a parlé le premier. Et son affirmation a entraîné les autres disciples. Parfois, si les autres n'ont pas encore pris la parole, c'est peut-être parce que Dieu me donne à moi cette conviction qui fortifie la conviction des autres autour, qui n'osent pas aussi peut-être parler. Mais Dieu veut peut-être passer par moi pour être le premier qui ose confesser Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui est venu pour nous aimer. Nous demandons aussi cette audace du témoignage, la prise de parole devant d'autres, même si c'est pas nombreux. Hein, Pierre était avec les autres disciples, donc ils n'étaient probablement pas 300 personnes, là, ils devaient être juste quelques-uns, mais quand même, prendre la parole, on le sait bien, même juste entre quelques amis, c'est pas si facile que ça. Voilà, donc audace de Pierre d'être convaincu, audace appuyée par l'Esprit Saint qui lui donne la solidité, audace qui lui fait prendre parole. Ensuite, cette audace de Pierre a obtenu de Jésus une réponse, comme on l'a dit. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, c'est pas de la chair. » Donc, il le confirme, ce Jésus. « C'est pas de la chair et du sang que te vient tout cela. C'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. » Et là, Jésus est audacieux. Pourquoi il est audacieux? Eh bien, c'est qu'il confie à Pierre une mission incroyable, qui dépasse infiniment Pierre. « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Aïe, aïe. Il donne toute autorité, il est en train de revêtir Pierre de toute autorité, il donne les clés. Hein, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre, ok, je vais dire c'est lié aux cieux. Ce que tu délies sur la terre, je vais dire ok, c'est délié au ciel. Hein, les exigences que tu vas dire, c'est tenu et il faut le faire, c'est important. Ce sera sanctionné au ciel comme étant cela. Donc, c'est aïe aïe. Jésus, sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu es en train de confier à un homme un pouvoir énorme, un pouvoir spirituel, très grand. Mais en fait, là, c'est le mystère du plan de Dieu, hein. La deuxième lecture de Paul nous disait « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse, la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier qui mériterait de recevoir en retour? » La sagesse de Dieu est parfois très mystérieuse. Nous, on aimerait bien que Dieu fasse affaire directement avec moi, avec nous, et pas d'intermédiaire. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que Jésus fait. Il est en train de choisir Pierre comme un intermédiaire incontournable pour son Église. Ce qu'il va délier sera délié pour toute l'Église. Ce qu'il va lier sera lié pour toute l'Église. Et Jésus dit, je serai d'accord. Dieu se plaît à employer des intermédiaires, mais heureusement, par ailleurs, Jésus n'a pas fini de former Pierre. Et on va le voir la semaine prochaine, Pierre va se faire reprendre assez rudement. Donc Pierre est en formation, il n'est pas encore solide au moment où Jésus lui annonce ça, mais il est en train d'être rendu solide. La première lecture nous disait, c'était une autre prophétie, il disait « Je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. » C'était d'une certaine façon une prophétie qui annonçait la fermeté qui accompagnerait la mission spéciale de Pierre. Si Dieu lui donne la mission d'éclairer ses frères, Pierre, hein, Pierre, en passant, c'est l'origine de la papauté, hein, c'est l'origine, les papes sont les successeurs de Pierre. Donc, mais pourquoi cette papauté dans l'histoire de l'Église? Pourquoi ce pilier central? Et pourquoi pas chacun se connecte directement, encore une fois, avec Dieu? Eh bien, encore une fois, Dieu nous a créés comme êtres de relation. Il se plaît à nous donner de grandes grâces, mais les uns par les autres. Il a donné à Pierre cette mission étonnante de confirmer ses frères dans la foi. Il lui a donné avec cela le secours spécial de l'Esprit-Saint. Donc, encore aujourd'hui, même le pape, lorsqu'il enseigne pour des matières de foi ou de morale, il bénéficie dans l'Église de ce qu'on appelle le privilège d'infaillibilité, qui est un privilège d'inhérence, de ne pas se tromper, non pas surtout, hein, non pas sur la pluie, le beau temps, la météo, la mécanique, etc. Ça, c'est des domaines qui ne relèvent pas de la mission qui lui est confiée. Mais sur les questions de foi ou de morale qui engagent le salut éternel, eh bien là, Jésus lui dit, lorsque tu auras prié, discerné et discuté avec tes frères, et lorsque tu trancheras, ta décision finale tranchée sera non seulement ta décision, mais elle sera soutenue et secourue par la lumière de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que je sanctionnerai. Ce sera parce que ce sera pas seulement ta lumière à toi, Pierre, mais ce sera parce que c'est la lumière d'en haut que je t'aurai donnée, comme cette lumière de confession de foi, quand tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est un cadeau, Pierre, est un donné comme un cadeau, comme le pape est un cadeau de solidité qui nous tire de la nébuleuse des opinions diverses, intéressantes, parfois folkloriques, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui permet de bâtir une vie, une société, une civilisation de l'amour solide. C'est pour ça que Jésus a voulu nous donner ce rempart qu'est Pierre et ses successeurs. Donc, demandons, j'ai parlé tout à l'heure de l'audace de Pierre, maintenant c'est l'audace de Jésus qui fait confiance à un homme qui lui donne un secours particulier. Demandons cette même audace que Jésus de faire confiance à ceux que Jésus a choisis. Le privilège qu'il donne à Pierre, c'est un privilège de ne pas se tromper sur des questions précises quand il parle avec une certaine solennité. C'est pas un privilège de ne pas faire de péché, hein, et on sait dans l'histoire de l'Église, les hommes d'Église, les évêques et même des papes ont fait des péchés personnels. Mais lorsque venait le temps de trancher des questions au nom du peuple en entier, au nom de Dieu, il bénéficiait de cette solidité communiquée par l'Esprit-Saint. Donc, demandons la même audace, encore une fois, de sortir du peloton de contestation, souvent contre le pape et l'Église, et osons nous démarquer et de donner notre adhésion, notre foi en Dieu, en Jésus, mais aussi à Pierre et à ses successeurs, à leurs successeurs. Oui, Seigneur, aujourd'hui, on vient te demander ton soutien. Donne-nous ton Esprit Saint pour qu'on ait l'audace de confesser ta vraie identité, ta divinité, qu'on ait l'audace de prendre parole, de dire nos convictions au milieu de toutes les opinions qui circulent, et qu'on ait l'audace aussi de faire confiance. Parce que toi, tu l'as choisi à Pierre et à tous ses successeurs. Amen.